Plus traumatisé par la fin du mois que par la fin du monde. Crois-moi, tout peut basculer en moins d'une seconde. Hey, on se perd à chercher des trésors cachés, souvent sans savoir qu'on les a déjà tous trouvés. Chaque jour la vie nous prévient, sans l'écouter regarde ce que l'on devient. Mener cette course contre le temps, j'arrête. Ainsi qu'elle est seule contre le vent, j'arrête. Yeah, yeah, yeah, yeah. De chanter ma vie, ma vie, ma vie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, sans doute yeah, que ta vie yeah. est la même que la mienne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, j'suis venu te chanter ma vie, ma vie, ma vie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, yeah, yeah, yeah, yeah. On passe des rêves d'enfants aux cauchemars des adultes. Tout va tellement vite, ne m'en demandez pas plus. Chacun son petit remède, anti-souffrance, anti-peine. Assurément j'y perds en voulant tout gagner. Après tout je veux gagner pour tout partager. Parce que tous on mérite une trêve, une trêve, une trêve. Tout le monde mérite une vie de rêve, de rêve, de rêve. Ouh. La la la la la la la la la la la la la la. La la la.